De Gênes à Vintimille, on rentre et il fait froid. À l'aller, les chemins menaient vers le soleil. Nos cœurs ardents d'amour sous ta bouche vermeille roulaient vers l'Italie. De Gênes à Vintimille, on rentre et il fait froid. À l'aller, le chemin nous a paru si court. Tu me tenais la main dans la douceur du jour. Déjà il faisait nuit. Il fallait qu'on l'essaye, notre dernière chance, se boucher les oreilles et prendre des vacances, partir sans nos bagages, nous alléger le cœur, sortir de notre cage pour ne plus avoir peur. Il fallait qu'on le tente, ce dernier tour de piste, pour remonter la pente, ensemble sans être triste, voire même rire et chanter, essayer d'être heureux. Simplement nous aimer, pour une fois tous les deux. De Gênes à Vintimille, on rentre et il fait froid. À l'aller, les chemins menaient vers le soleil. Nos cœurs ardents d'amour sous ta bouche vermeille roulaient vers l'Italie. De Gênes à Vintimille, on rentre et il fait froid. À l'aller, le chemin nous a paru si court. Tu me tenais la main dans la douceur du jour. Déjà il faisait nuit. En arrivant à Côme, on a joué le jeu. Dans le creux de tes paumes, le lac était joyeux. Et ce pèlerinage, en ces lieux d'autrefois, nous fit revivre un âge où l'on avait moins froid. Mais vite, elle fut vide, notre envie d'avenir. On retrouva nos rides, nos vieux corps sans désir. Et notre nostalgie récupéra sa place, bien lointaine Italie, perdue au fond des glaces. De Gênes à Vintimille, on rentre et il fait froid. Tu as lâché ma main, le soleil s'est couché. Je ne sais si demain il va se relever, si loin de l'Italie. De Gênes à Vintimille, on rentre et il fait froid. Je compte les tunnels, ça me paraît si long. J'emprunte mon tunnel, cette fois pour de bon. J'ai retrouvé la nuit.